constat de mots. Ouais. P2OP. Un constat de mots. Sans confusion, je m'exprime sans différence, parce que le temps aura toujours fait sa préférence. Et que demander si ce n'est que l'idéal n'existe pas? Un tableau que l'on peint et sur les couleurs de ses pas. Alors je me plonge dans le lyrics de la douceur, une chanson parmi tant d'autres dans ses douleurs, désirant m'évader afin d'en faire une pause. Une écriture évidente sans voir toutes ces choses. Résister face au peuple qui se voit mourir, insister sur le bien et sans jamais vouloir souffrir. Et que tout cela m'emmène comme une belle poésie, et qu'il en reste une étincelle d'une prophétie. Je ne suis pas grand chose mais j'en vise l'idéal, et parce que je mérite toujours que mon flow s'installe. Une liberté de mots comme pour en faire ce constat. J'ai envie de vider le vase et changer ce qui sera. Un catalogue de la vie, mais où est mon numéro? La rime en reste mon envie sur tous ces propos. J'ai oublié qui j'étais pendant toutes ces années, malgré que mes amis auraient même tout essayé à me dire réveille-toi, t'es en train de t'oublier. Tes larmes coulent et ton destin est plié. Juste envie d'aimer la mélodie de la vie, encore et encore respirer sans plus jamais de sursis. Intimiste est mon écrit, à toi de le comprendre. Et comme une offrande, il m'en reste toujours à apprendre, malgré que le temps passe à la vitesse de la lumière. Et comme je dis toujours, mais où est mon réverbère? Celui qui éclairera l'artiste dans sa conception, après 30 ans d'écrit et toute son obtention. Libre, je suis, encore libre, je resterai. Ne ressemblant à personne, je me démarquerai.